du canapé. Elle te montre son mood, t'es déjà bien barré. Tu vois la confrontée à l'éternel dilemme. Faut choisir un côté, tu travailles plus qu'elle aime. C'est pas la brouette, ni non plus la levrette. Si tu te manes pas, elle va bouffer la guéguette. Si au moins t'avais Kama Sutra. Oublie chez toi, vas-y, mêle à lui. De mettre la main à la pâtée, c'est qu'une façon de parler, tu penses du doigt dans le bip. Pour les préparatifs, fallait pas trop te faire chier. Au vu de l'humidité, quelqu'un est déjà passé. Tu chatouilles son oeil au grand cils. J'ai l'impression qu'on